faire des suggestions de haine. C'était si fort qu'il s'est trahi lui-même. Je n'ai pas pu m'identifier à toute cette haine, et pour la première fois, j'ai douté, pas du mental, mais du fait que c'était cet anti-homme. Mais comment se fait-il que même en me séparant de lui, ce sentiment restait aussi présent, comme si j'étais ça sans l'être? Bon, le sentiment est expérimenté par l'ego, donc nécessairement il reste là. Comme il a été expérimenté assez violemment et assez vivement, le mental l'ayant observé, l'ego le sait. Le sentiment est exprimé dans le corps physique et il peut persister un bout de temps. Encore une fois, il ne faut pas que l'individu s'identifie au sentiment, à ce qu'il a perçu. Une chose que je dois rajouter, comme la personne ici, il découvre une chose qu'elle savait, mais qu'elle ne savait pas qu'elle savait. C'est plus violent, c'est plus vivant, violent pour l'ego. Alors ça persiste, où la personne, au lieu de mettre en question le mental, commence à mettre en question l'astral. La personne, elle découvre quelque chose, et je reviens encore toujours sur le même phénomène. Chaque fois que l'on découvre quelque chose, bien souvent, la saveur qui reste, une saveur qui va être astralisée, et qui normalement entraîne la haine à l'interne, qui entraîne la déstabilisation. On voit le jeu de l'ego, on voit le jeu de l'astral, comme cela a été dit. Et par la suite, l'humain a une très grande impression que parce que maintenant, il en arrive à se rendre compte vibratoirement, et non pas seulement au niveau de l'intellect, vibratoirement que ce que j'ai dit, ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu ailleurs est vrai, il a, du point de vue de l'ego, bien souvent l'impression d'aboutir à une impasse, où il n'aura sans doute plus aucune information pour poursuivre son chemin. Certains égos vivent ce genre de conditions où là, ils vont remettre en question l'astral. Le mental remet en question l'astral, l'ego l'ayant expérimenté remet en question l'astral. Il va remettre en question Daniel Kemp, il va remettre en question l'intelligence supramentale, il va remettre en question plusieurs choses. Pourquoi? Parce que tout ce qui l'habitait avant n'était que des concepts. Maintenant qu'il en arrive à vivre réellement, non plus un concept de l'astral ou de l'ego, mais une réalité de l'ego et de l'astral, bien souvent, il reste là, et son nouveau point de vue lui permet de reprendre conscience que le reste ne sont que des concepts, pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas été transmués en réalité, donc que le reste ne sont que des concepts, alors il crachera sur tous les concepts, abandonnera tout, et aura été récupéré. Quand je m'adresse en conférence, je m'adresse à des êtres humains qui sont pris entre leur ego, leur astral, leur mental et leur conscience intelligente. Il y a une quantité relativement effarante pour l'ego de choses que je ne dis pas et que je ne dis uniquement qu'à ceux qui ont fait la transition. Quand on découvre que ce que l'on savait est vrai, et le chemin ne s'arrête pas là. Et c'est là le danger de la projection de l'intellect, où à un moment donné, on va se projeter dans toutes les formes. Et vu que c'est nous qui nous projetons dans la forme, nous considérons que la forme vit ce que nous vivons. Quand vous aurez découvert votre ego, votre astral, pas juste par l'apprentissage expérientiel, mais par la vibration réelle. Quand ça sera vibrant chez vous, ben sachez que ça ne s'arrête pas là. Et ce que j'ai dit s'adressait à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Maintenant, il y a une phase de cellularisation que l'ego peut appeler vérification, qui est relativement longue. Quand un individu vit ses phases d'initiation, il a habituellement besoin d'aide. Et je ne lui donne pas cette aide. Parce qu'il est en train de se trouver, lui, et dans la phase où il se cherche au maximum, il aura une tendance à s'agripper à tout ce qui peut tourner autour. Certaines personnes sont dans des sectes maintenant, malgré qu'ils ont fait le séminaire. Certaines personnes sont prises dans beaucoup plus spirituel, mais se sont agrippées à l'élément qui, à un moment donné, a dit « Ah bien oui, je t'aime et je peux t'aider. » Alors ça vaut la peine de rejeter tout le reste. Ben, c'est comme ça. Quand l'individu en arrive là, je ne le niaise pas. J'attends. Et parce que j'attends, lui considère que je niaise parce qu'il se dit que j'ai possiblement l'information qu'il a besoin. Mais il est rendu dans une phase où il est proche du savoir. Alors je ne suis pas pour ternir cette capacité de savoir pour la contrer avec de l'apprentissage. Mais sachez seulement une chose, c'est que ma vision ne s'arrête pas là. Et ma vision ne s'arrête pas non plus à ce que je dis. Mon langage s'arrête à ce que je dis. Oui. Il m'amenait des raisons si logiques qu'elles étaient inébranlables. Alors je m'accrochais à mon Père des cieux, je disais presque arrière Satan. Satan peut-il être aussi logique? L'ego copie. Copiant le mental, il devient mental. Copiant le supramental, il devient supramental. La différence, il ne peut rien faire de neuf. Il n'est que mémoriel. Et il a de l'orgueil. Il a de l'ego. S'accrocher à son père, c'est très bon. C'est même souvent très utile. Dire que tout est relatif est un non-sens. C'est comme dire que tout est bleu dans un monde bleu. Si tout était relatif, on ne le saurait pas et donc on ne le dirait pas. Existerait-il quelque chose de non-relatif? Oui, l'intelligence, c'est l'intelligence qui, à un moment donné, à travers une conscience astrale, a fait dire à un humain que dans ce monde, tout était relatif. L'intelligence a la capacité d'englober tous les points de vue. Elle est omniprésente, donc il n'y a pas de relativité. Par contre, dans la conscience nombritique de l'humain, tout est relatif. Une chose est bleue par rapport à une chose moins bleue. Une chose est grande par rapport à une chose plus petite. Tout est relatif. Même la relativité est relative. Parce que l'individu qui est convaincu que lui seul a raison, alors tout n'est plus relatif. Ce qu'il dit n'est pas relatif, c'est absolu, selon son ego. Mais, dans notre monde, tout est relatif. Sauf que lorsque vous parviendrez à la conscience réelle de l'intelligence, la relativité va s'estomper. Ça ne vous empêchera pas de dire à l'humain, ou à l'animal humain, que les choses sont relatives. Quand je dis que la transition est un phénomène relativement long, ou, par exemple, moi, j'attends, je laisse un individu s'auto-vérifier. Ça prend un temps relativement long, je m'adresse à l'ego. Pour moi, c'est un temps qui n'est pas long, qui n'est même pas court. Mais dans le contexte astral, dans le contexte psychologique, il n'y a que de la relativité. Je fais une conférence, un individu me traite de génie, l'autre me traite de fou. C'est de la relativité. Une nuit, ça souffrait tellement que chez moi, que l'ego ne se souvenait plus comment dormir. Ce n'était pas de l'insomnie, l'ego ne savait plus comment vivre. Dormir comme plus de mémoire de comment vivre. Le mental observait, l'ego souffrait, et puis j'ai trouvé ça inacceptable. Toute cette souffrance de l'ego pour rien, comme si le mental se penchait sur lui, trouvant ça absurde. Mais ça souffrait quand même. Le mental peut-il souffrir de la souffrance égoïque? Le mental ne peut pas souffrir de la souffrance égoïque. Par contre, le mental peut être coloré par la souffrance de l'ego. On appelle un peu une souffrance mentale. C'est une coloration. Maintenant, ici, il y a une chose, c'est que l'ego, ainsi que le mental, manque d'informations. Bon, je trouvais ça inacceptable, toute cette souffrance de l'ego pour rien. C'est que ce n'est pas pour rien. On replace les choses. Il y a des fusions des personnalités réincarnationnelles. Et il y a de l'anégoïsation. L'ego ne peut pas comprendre la fusion des personnalités réincarnationnelles. L'ego ne peut même pas comprendre la possession. Alors que l'ego est simplement un assemblage de possessions. L'ego ne peut pas comprendre la négoïsation. La négoïsation, c'est la christification de l'ego. C'est l'immortalisation de la forme et de la conscience lucide engendrée par l'ego dans un corps d'homme. Ça crée le double éthérique. Sans la conscience mortuaire de l'ego. Avec la conscience immortelle de l'intelligence. Mais pour l'ego, même si on le dit, vous ne vous le répétez pas suffisamment. Pourquoi? Parce que l'ego crée le doute chez vous. L'instabilité à un moment donné. Alors l'ego peut effectivement dire, cela se fait pour rien. Pour rien qu'il comprend. Et pour beaucoup de ce qu'il ne comprend pas. L'ego qui ne sait plus dormir est un ego qui présentement tourne sur lui-même à une vitesse folle. Il ne trouve pas le canal réincarnationnel, donc il ne peut pas s'en aller dans le monde de la mort, il ne peut donc pas dormir. Cette rotation engendre une espèce de giclement. Alors l'ego se mortifie, se démolit un peu, se dilue, se frictionne. Il rencontre des mémoires volatiles, il vit une expérience qu'il ne connaissait pas avant. Il se heurte aux parois du périsprit. Et le pire, c'est qu'il est filmé, puis on projette le film dans sa paroi. Le mental l'observe et l'ego est au courant de ce que le mental voit, donc en plus, il se voit aller. C'est une fusion de personnalité réincarnationnelle. Cela va engendrer une plus grande stabilité au niveau de l'ego. Une plus grande stabilité ne veut pas dire une stabilité. Ce n'est pas pour rien. La négoïsation, c'est la même chose. À un moment donné, il y a une personnalité réincarnationnelle qui descend chez vous. Il y a un agglomérat spirituel hautement essentiel à votre évolution qui descend. Il attire avec lui les mémoires des personnalités réincarnationnelles qui l'ont constitué dans le passé. Et votre ego devient fou. Un bout de temps. Et ça se place. La seule chose qu'il y a, c'est que l'ego conserve l'enregistrement mental de son expérience. Et conservant l'enregistrement mental de son expérience, il en retient une amère. Un amer souvenir. Vous n'êtes pas ces souvenirs. Rentrez-vous-le dans le mental, vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas de l'émotion, vous n'êtes pas des désirs, vous n'êtes pas de la mémoire, vous n'êtes pas de la peur, vous n'êtes pas des désirs, vous n'êtes pas de la crainte, vous n'êtes pas des désirs. Le désir est une illusion totale. Et tout le reste des mécanismes est engendré par lui. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes quelque chose qui ne peut se comprendre par l'ego. Moi, je peux vous savoir. Vous pouvez vous savoir. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Moi, je ne peux que comprendre l'expression astralisée, corporifiée de votre ego, de votre intelligence. Je ne peux pas comprendre l'intelligence qui vous habite. Elle est vous, elle ne m'appartient pas. Votre ego m'appartient, mais pas votre intelligence. Votre astral m'appartient. Pourquoi? Parce qu'il est relié au mien. Nous sommes collectivement astralisés dans le monde de la mort. Autant dire que votre ego appartient à n'importe qui sa planète, c'est vrai. Il appartient au collectivisme. Il appartient à l'archétype. Il appartient aux génétiques, aux réincarnations. Il ne m'appartient pas en tant qu'individu. Mais vu que votre ego m'appartient, que mon ego vous appartient, je peux comprendre votre ego. Pas le mental. Pas le supramental. Alors nécessairement, votre intelligence ne peut pas être connue de l'ego, elle ne peut pas être comprise par l'ego. Tout ce qui se passe chez vous en tant qu'intelligence, vous ne pouvez pas le comprendre. Tant que vous restez à une strate égoïque, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc nécessairement, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi l'intelligence vous fait faire ceci, cela ou cela. Ce n'est pas compréhensible par un ego. Même la mécanique de décision, même la mécanique d'intentionnalisation n'est pas compréhensible par l'ego. Il n'y a pas de libre arbitre pour l'ego. Il y a de la liberté pour l'intelligence. Incompréhensible pour l'ego. Et c'est pourquoi on parle souvent de paradoxe. Une chose qui semble contradictoire pour l'ego et qui cosmiquement ne l'est pas contradictoire. Point de vue, monde parallèle, contexte différent d'évolution et de conscientisation. On peut prendre des décisions. On peut bouger les choses. À l'exclusive condition qu'on devienne autre chose que de l'animal humain. Mais l'être humain, ou l'animal humain, ce qu'il veut, ce que l'ego veut, c'est devenir un être humain tout en étant animal, histoire de voir si ça marche, puis si ça marche, après ça, il verra. La problématique, vous ne pouvez pas planter un clou avec un marteau tant que vous refusez de prendre un marteau. Oui, mais je vais planter un clou avec 100 marteaux, et si ça fonctionne, j'en prendrai un. C'est le paradoxe, ça ne peut pas fonctionner. Pas dans le monde de l'animal humain. Devenez intelligent, vivez de l'intelligence. Demandez pas de comprendre. Un jour, vous saurez. Ah, vous saurez. Et vous serez sûr d'être sûr d'être sûr. Vous ne comprendrez jamais. Pas du point de vue de l'ego. On ne peut pas comprendre de l'intelligence. Parce qu'il n'y a rien de relié. Demandez à la grenouille de comprendre pourquoi vous avez volontairement passé sur elle avec votre automobile le 2 mars 87. Et la grenouille ne comprendra jamais. C'est simple. C'est que vous, vous êtes l'intelligence par rapport à votre intelligence. Et la grenouille, c'est votre ego par rapport à l'ego. C'est que quand vous êtes passé, vous ne passiez pas ni pour tuer la grenouille, ni pour trouver la grenouille, ni sur la grenouille. Vous alliez là-bas. Ça n'a rien à voir, rien à voir avec la grenouille. Alors comment voulez-vous que la grenouille comprenne la motivation profonde qui vous a fait passer sur elle? Alors que pour vous, vous n'êtes même jamais passé là. Vous ne retenez pas en mémoire l'expérience de toutes les pousses d'asphalte que vous avez roulé dessus, sur lesquels vous avez roulé depuis votre naissance. L'intelligence, elle a un plan hautement plus volumineux que le phénomène astral, égoïque, nombritique, local. Quelqu'un, à un moment donné, fait un cauchemar, il y a une fusion des personnalités réincarnationnelles, et l'ego ne comprend pas à quoi ça sert. Alors il dit, fais ça pour rien. Fais pas ça pour rien. Le volume de l'intelligence, c'est absolument imperceptible par l'ego. Il y a une phase de transition. La phase de transition, elle n'est pas longue. Pour l'intelligence, transite, c'est vous. Nettoyez-vous. La phase de transition, c'est une phase de nettoyage. C'est tout. On comprend l'ego, on cesse de s'assujettir à lui, on cesse de s'identifier à lui. Il est chez nous, on y parle. Hé, petit, finis de gueuler, ça ne sert à rien. Le petit continue à gueuler pareil avec votre bouche. Et vous continuez à lui dire, ben ça, continuez à gueuler, mais tu vois pas que ça sert à rien. Couchez. Mais vous refusez de lui parler. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous niaisez, que vous jouez. Et la question dangereuse, oui, mais qui dit que c'est pas mon ego qui parle à mon ego? Ben c'est peut-être ton ego qui parle à ton ego. Si ton ego qui parle à ton ego, c'est des choses intelligentes, je m'en fous que c'est ton ego qui parle à ton ego. Faut que je lave le plancher. Oui, mais c'est mon ego qui décide de le laver. Je m'en fous, faut que le plancher soit lavé. C'est ton ego, tant mieux, il ne souffrira même pas. Ah, oh, après ça, il va découvrir qu'il s'est fait fourrer. Ben oui, c'est normal. Quand l'ego va découvrir qu'il y avait une raison autre que la sienne, ben il s'est fait fourrer. Tant pis pour lui. Les illusions de Dieu, c'est normal. L'ego s'engave. Bien souvent, vous demandez à comprendre à partir de votre ego. Vous ne comprendrez jamais rien. Basez-vous pas là-dessus, c'est incompréhensible, intelligent. Pourquoi ça m'arrive? Ça ne t'arrive pas. Ça arrive. Lorsque vous allez accepter de décider des choses, lorsque vous allez comprendre la mécanique, énormément de choses que je dis, que je donne, qui ne sont pas applicables pour la simple raison que c'est un animal qui veut l'appliquer. Prendre une décision, c'est facile. Très facile. Et c'est niaiseux. Surtout qu'on n'en a même pas de décision à prendre. Alors imaginez-vous comment c'est facile d'en prendre une. Mais l'humain a des problèmes. Ah, l'humain souffre, l'humain il médite, l'humain ne sait pas, l'humain il zette. Tout ça pour sécréter. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable de faire confiance astralement à votre Dieu, votre intelligence. Vous n'avez même pas besoin de prier. Elle attend après vous. Pas vous qui êtes en après. Devez-vous déménager ou pas? C'est bien niaise de savoir. Devez-vous investir ou pas? Facile à savoir. Devez-vous vous suicider ou pas? Facile à savoir. Ben niaiseux. Comment on le fait pour le savoir? doit-il se suicider ou non? Non. Comment ça se fait que tu le sais? Non, c'est pas intelligent. C'est pas logique. C'est ton point de vue? Moi, c'est le mien. Mais qui te dit qu'il est vrai? C'est uniquement ton point de vue. Ben, je le sais, c'est une vibration. Je le vibre. Ça reste ton point de vue. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est vrai? La réponse vient d'ailleurs. De où? Fait un cadeau de faire interviewer par moi. Non, c'est un sentiment, je le vibre, ça vient pas de moi, ça c'est sûr. De qui, toi? Pas du corps, en tout cas. Parce que la réponse est tellement niaiseuse! Premièrement, c'est évident. Si tu veux savoir si tu t'es suicidé ou non, ben prends l'ascenseur 4-5 fois, puis si t'es pas mort, ben c'est que t'as pas de suicider. Si t'as le fer, l'ascenseur va lâcher, te croise en bas. C'est bien niaiseux, y'a aucun problème. C'est bien simple prendre des décisions. L'humain arrive à altérer des mécaniques. Ah, la personne a pu se jeter en bas d'un étage. C'est-à-dire, moi, je m'en jeter en bas du 25e, si je m'en sors vivant, je vais pas me suicider. Non, c'est simplement que cosmiquement, intelligemment, c'est pas la chute de mouche qui tombe en bas du 25e étage, je peux changer quoi au plan. Donc, elle tombera pas. Il y en a un autre, peut-être, qui vit pas à cette tête, il se suicidera pas, il va rien que te compenser, c'est tout. C'est pas en faisant quelque chose comme ça. Je prends l'ascenseur 4-5 fois, puis je le sais, c'est bien simple. Mais ce que tu devrais répondre, ce que tu faillis répondre, mais ce que tu ne veux pas répondre, je te dis que c'est rien que ton point de vue. Ben oui, c'est ça, c'est rien que mon point de vue, c'est assez pour moi. Mais ton ego essaye de, vu que je te dis que c'est ton point de vue, donc comme si c'était de la merde, ben l'ego essaye de trouver des moyens pour que ce soit pas mon point de vue, là, d'avoir une base de plomb quelque part, là, c'est mon point de vue. Non, c'est pas mon point de vue, c'est extraterrestre, c'est passé, non. C'est Dieu qui m'a passé, là. Merde, c'est ton point de vue, c'est passé. C'est amplement suffisant, c'est toi qui vis avec. Qui êtes-vous? Vous ne savez pas. Qui vous voulez être? Devenez-le. Ça s'apprend. Ça se pratique. Ça se forme. Mais dans le sérieux, on peut s'amuser. Ça n'a rien à voir. Vous savez que rire n'ôte pas du sérieux. Niaiser ôte du sérieux. Être sérieux, c'est pas être mortifié. On peut rire sérieusement. Vous ne devez pas savoir ou penser ou déterminer ce que vous voulez faire. Vous devez déterminer ce que vous voulez être. Si vous déterminez ce que vous voulez faire, vous allez sécréter dedans, comme on l'a vu il y a un mois, et vous allez le perdre. Ça ne sert à rien de savoir ce que l'on veut faire si on ne sait même pas ce que l'on veut être. Puis quand on sait ce que l'on veut être, ce qu'il y a à se faire se fait. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on veut faire. Oui, mais il faut que je sache ce que je veux faire dans ma vie. Vie. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'en comprendre ou d'en savoir plus. Hein? Alors, les décisions, ça se facilite. Que voulez-vous être? Et ce vouloir être sera nécessairement une question de manipulation. L'intelligence ou l'absurdité astrale va vous dire ce que vous voulez être. Vous ne voulez pas relaxer plus souvent. Vous ne pourrez pas. Vous voulez devenir plus relax. Autre chose. À un moment donné, les conditions de la vie vont faire en sorte que vous allez devenir plus relax. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez devenir. Voulez-vous devenir aristocrate? Oui. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Merci. Voulez-vous le devenir? Alors, voulez le devenir. Restez-en là. Et il y aura des choses qui vont s'organiser tout seul à un moment donné, ça va se faire tout seul. Si un événement répond à ce que vous voulez être, pointez-vous-y. Ah, mais j'arrive jamais, j'ai essayé, puis ça glisse un jour à côté. Aucun problème, il n'y a même pas de décision à prendre, c'est pris. Ça sera pour plus tard. Il te manque de négociation, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Quand je dis quelque chose qui ne va pas, c'est que tout va. Mais il y a quelque chose que l'ego ne comprend pas. Alors l'ego le dit, quelque chose qui ne va pas. Tout va. Oui, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui. Oh. Non, on a du temps à perdre. Il faudrait que je vous dise que c'est telle petite manipulation, c'est ceci, c'est cela. Non. Ça va sortir. Ça va se dire. Dans une conférence où, par exemple, bon, je te pose une question, la manipulation fait cela. Il répond comme il doit répondre pour que je puisse continuer à parler. et ça sort. Mais s'il vient me voir en consultation privée et me pose la même question, ça ne sortira pas. Parce que ce que je dis, il peut s'en servir. Vous pouvez vous en servir. Mais ce que je dis ne s'adressait à personne d'autre qu'à la structure événementielle de celui qui marche en fusion. Le conscientisant. Le conscientisable. Ce n'est pas un individu particulier. Donc, je n'ai pas donné d'informations pour qu'un égo comprenne ce qui lui arrive. Même si, dans une conférence, l'égo peut comprendre ce qui lui arrive. L'évolution ne se fait pas par compréhension d'égo. On se met à discuter et on arrive sur un terrain non prévu où il y aura des informations pour l'égo de sortie. C'est la meilleure information. Mais si on s'assoit pour discuter de ce que l'égo devrait, on n'arrivera à rien. Alors, on doit s'arranger pour travailler au niveau du mental. Le mental n'a pas besoin de comprendre. Le mental, lui, fonctionne de façon logique. C'est logique, c'est conséquentiel, c'est correct. Le mental ne comprend pas toute la mécanique, mais c'est pas important pour lui. À quoi ça sert de dépolluer? Ben, c'est logique de dépolluer. Mais cosmiquement, là, qu'est-ce que Dieu en pense? Rien à foutre de ce que Dieu en pense. C'est écologique. Et l'ego, ben l'ego va dire, oui, mais je suis le seul, donc ça vaut pas la peine, c'est ici, c'est ça, ben c'est ça. Je vais vous dire une chose que vous devez savoir, égoïquement, mentalement peut-être aussi. C'est que quand vous jetez encore vos maudits clinets sur la fenêtre de l'automobile, vous polluez. Dans la toilette aussi, effectivement. Plus vous allez intelligencer l'absurdité de polluer, plus vous allez limiter dans les conditions possibles la pollution, plus vous devenez des invités respectables. Il est évident que votre automobile pollue. Et si vous prenez l'autobus, ça pollue. Et si vous venez de Chicoutimi en bicycle, ça pollue pas. Mais ça vaut pas la peine de venir. Alors vous polluez pareil. Il ne faut pas que ça vous fasse souffrir de polluer pareil. Il faut savoir qu'on pollue pareil. Il faut savoir que c'est pas correct de polluer pareil. Polluer quand même. Pour que ça ne fasse souffrir, on n'a pas le choix. Donc, on devient des invités respectables. La journée qu'on aura le choix, immédiatement, on ne polluera plus. Il ne faut pas qu'on joue le jeu des animaux humains qui vont dire, ah oui, ben, il y en a qui nous inventent quelque chose qui ne pollue pas, on ne polluera pas. Hein? Il y en a qui jettent les cochonneries dehors, ben, ça crée de l'emploi. Moi, je ne les inviterai jamais chez moi, ces gens-là. Ah, ben oui, tu n'as pas engagé une bonne. Ouais, bon, hein, ça crée de l'emploi. Tout ce que vous faites en termes d'évolution, la première étape, c'est juste de devenir des invités respectables. Un invité respectable est un invité qui nécessairement va en harmonie avec l'autre, avec celui qui invite. L'autre, celui qui invite, est totalement investi d'intelligence. Donc, il ne peut inviter ceux qui n'ont pas d'intelligence ou ceux qui ont des égos qui n'ont pas de respect pour l'intelligence. Cela veut dire qu'il y a des individus qui ont du respect pour l'intelligence et qui n'en ont pas suffisamment, qui vont aussi être invités, que vos égos ne pourront pas comprendre. Et l'intelligence s'exprime de différentes façons. Dans le langage de cette planète, aristocratie est la façon la plus complète de l'expression de l'intelligence. Aristocratie orale, aristocratie gestuelle, aristocratie endoformique et aristocratie esthétique au niveau de la pensée. Donc, ajusteur de pensée. Et pour cela, on se forme. On s'en égoïse. C'est-à-dire qu'on ôte nos vieilles bottes debout. L'humain qui approche du point culminant de l'involution pour pouvoir rouler librement vers la fusion, plus je parlerai de certaines choses. Moins il y a d'égo pour écouter, plus c'est facile. Je te disais dernièrement que je ne vis pas là où je parle. J'ai dit tout à l'heure que ma conscience ne s'arrêtait pas à ce qui était dit. Le travail, être un invité respectable. L'autre est totalement indépendant. Non, ça ne va pas se faire. Et évidemment, si ça vous intéresse pas d'être invité, aucun problème. Faites-vous en pas. C'est même pas une décision. C'est pas une. Après la mort, est-il possible que l'âme de l'enfant recherche son corps et également sa mère? Reste-t-il présent dans la mémoire d'une mère qui refuse son départ et vit comme s'il était toujours là? Et quel conseil puis-je donner à la mère? On ne donne jamais de conseil à personne. Parce que karmiquement, c'est dangereux pour nous. Après la mort, est-il possible, tout est possible, que l'âme de l'enfant recherche son corps, dépendant de quelle façon il est mort, c'est bien souvent ce qui arrive, et également sa mère, ça c'est officiel. Reste-t-il présent dans la maison d'une mère qui refuse son départ, absolument, et vit comme s'il était toujours là? Et oui, la conscience lucide de l'enfant dépendant de son âge va quand même gagner le monde de la mort pour se rejoindre aux agglomérats spirituels. Évidemment, la mémoire de l'enfant va rester fantomatiquement présente dans la structure de la maison et même dans les cellules de la mère, jusqu'à temps que la mère l'absorbe totalement. Et dépendant de la projection de la mère, elle peut ne pas l'absorber non plus. Quel conseil puis-je donner à la mère? Ça dépend comment la mère elle est. On ne donne pas de conseils, on lui explique des choses. Moi, quand j'explique des choses, je ne donne pas de conseils. On explique-lui des mécaniques. Donnez-lui pas de conseils. Dis-lui pas, ce que tu devrais faire, c'est... Non. Parlez! Donnez pas de conseils! Et si vous ne savez pas quoi dire, la décision est prise. Lorsqu'il y a copulation ou masturbation, y a-t-il un danger quelconque de ne pas éjaculer? Ben, y a un gros danger de ne pas éjaculer, oui, effectivement. Si le corps physique et le corps vital n'est pas suffisamment évolué, l'individu peut détruire son système nerveux. On est riche que de ce qu'on est. On n'a pas besoin d'avoir. On ne peut être libre qu'à la condition d'être riche. Et on ne peut être riche qu'à la condition d'être libre. Exemple, si j'ai 50$, je ne peux être riche qu'à la condition de ne pas vouloir plus et de ne pas vouloir moins. Culpabilité, donc ne pas vouloir le 50$. Ni pour rien. L'acceptation de ce qui est là, la seule richesse réelle, est son seul maître. Être son seul maître exige que l'avoir n'est là que pour nous faire percevoir la réalité à travers le corps mental, mais non pour nous faire grandir de désir à travers le corps émotionnel. La réalité étant toujours en mouvement à travers l'être et l'avoir, phénomène d'émission, de réception ou création. Donc, pour être dans l'état d'être, il se doit d'y avoir instantanément, sans résistance et sans résistance, le contrôle par le corps mental ou supramental qui permet l'ajustement entre l'émission et la réception, donc une écologie ou plénitude ou élaboration d'un système d'économie d'énergie à travers un monde. Beaucoup de choses convenables. Certaines choses qui sont tirées de l'adaptation de l'illusion astrale à une perception de l'intelligence. On est riche que de ce qu'on n'a pas de besoin. C'est faux. C'est une vision de la richesse d'esclave. Une vision très esclavagiste de la richesse. On ne peut être libre qu'à la condition d'être riche. C'est faux aussi. C'est une vision de liberté de pauvre. On ne peut être riche qu'à la condition d'être libre. Vision d'esclave de la liberté. Exemple, j'ai 50$. C'est évident que si on a 50$, puisqu'on désire le plus au monde coûte 50$, on est riche. Accepter ce que l'on a est une illusion et un danger. On ne doit pas accepter ce que l'on a, on doit tolérer ce que l'on a. Cela veut dire ne pas souffrir, ni négativement, ni positivement, de l'événement. Comprenez ceci. Et que c'est dur à comprendre, c'est compliqué. Vous recherchez encore tous trop les symptômes de l'évolution, alors que moi, je vous parle simplement du but. Je vous parle de la simplicité qui engendre ce qui est complexe. Mais vous recherchez ce qui est complexe pour atteindre la simplicité. Est-ce que c'est encore l'évolution méritoire de l'animal humain qui vous hante? Exactement comme on a l'impression qu'on ne peut pas avoir une grande bâtisse si on ne perd pas sa vie à la bâtir. C'est une farce. Laissez aux bâtisseurs qui ont besoin pour vivre de bâtir le soin de bâtir et vous devenez un habiteur. Laissez faire l'évolution méritoire. Ce que vous aurez un jour, vous ne le mériterez pas. Et c'est pourquoi vous l'aurez. Il n'est pas question de mérite. Faisons juste un petit retour dans l'ésotérisme biblique où, avant le souper à la pomme, la femme enfantait sans douleur. Elle ne méritait pas. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas froid. Il n'avait pas sommeil. C'était le paradis. Rien de méritoire. Dans la chute, maintenant tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et toi, la bonne femme, t'accoucheras dans douleur. Vive Dieu! Maintenant, c'est méritoire. Et on conserve archétypalement l'idée que l'évolution reste méritoire. Dans la souffrance, on évolue. Les martyrs ont traversé. Dans la crucifixion, c'est génial. Visez l'objectif final. La richesse, elle va finir. Quand je parle de richesse, je parle d'un surplus d'argent. Je parle d'un surplus de temps. Je ne parle pas d'une corde raide, je parle d'un surplus. Il est là, à la portée, un peu loin. Donc, il doit y avoir une synergie d'humain pour l'attirer. Ce que l'être humain doit aller chercher, c'est la cible, c'est le but. La seule chose qui, cosmiquement, a de la valeur. Et cela va engendrer en effet secondaire, en effet de retour, des choses qui ont de la valeur pour les animaux humains. Intelligence s'exprime par l'onde de forme. L'onde de forme de celui qui est libéré, donc du riche, donc de l'aristocrate. Ça ne vous demande pas de gagner la loterie avant de commencer à évoluer. Faites comme si c'était fait. C'est ça, jouer? Mais jouons! Sauf, faites pas comme si vous jouiez que c'était fait. Ce que beaucoup font. Vous n'allez pas vous acheter un manteau à 4 000$ quand vous n'avez pas 50$. Pour faire riche. Vous allez juste faire attention un peu plus à ce qui vous entoure. Vous allez juste, au lieu d'acheter 3 souliers cheap, en acheter un peu meilleure qualité à un moment donné. Et graduellement, vous prouvez que vous êtes une mécanique événementielle qui permet la réincarnation d'aristocrate, de celui qui se construit. Celui qui est riche, c'est pas celui qui part devient riche, c'est celui qui constitue sa richesse. Lui connaît la mécanique, il connaît la valeur. C'est pas celui qui gagne 6 millions de dollars ou 6 millions de dollars. Vous gagnez 1 million de dollars à la loterie et vous êtes perdu. Psychologiquement comme consciemment. Il y a beaucoup qui nous disent, ah, moi si je gagnerais, Christian, vous en aurez de l'argent. Pauvre petit. Si tu gagnes ton argent, tu la gardes tard. Après ça, si tu t'associes à un projet, tu investis, tu ne donnes pas. Pas parce que c'est juste de l'argent qu'il faut penser. Non, non, non. C'est de l'intelligence. Question d'échange d'énergie. Ne soyez pas vos pires voleurs. Simple. Parce que régir 1 million ou 7 millions de dollars, c'est une toute petite chose. La dilapider et la donner comme ça, faire attrait spirituel, ça vous n'aurez jamais rien de plus que 6 ou 7 millions de dollars. Les éco-caves vont dire, ah ben, je m'en contente. viser l'objectif. Décider ce que vous voulez être, pas ce que vous voulez faire, pas ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez être. La majorité des individus, leur objectif, ce qu'ils veulent être, sera en accord endoformique avec ce que je fais, avec toute l'information formative que j'ai amenée jusqu'à date et que je vais continuer à amener. Et nécessairement, il y a des chemins par lesquels vous devrez passer et vos égos vont dire « Ce n'est pas un chemin, c'est l'objectif! » Non. À un moment donné, il faudra que vous monnayiez votre intelligence. Ah, bien sûr, le but, c'est avec l'argent. L'intelligence s'exprime beaucoup plus de cette façon. Le but, c'est l'intelligence. C'est pas l'argent. C'est pas le fric. Cessez de travailler un animal humain. Cessez de devoir faire des travaux qui ne demandent pas de votre intelligence. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sottes gens. Je suis d'accord avec ça, maudit. Présentement, vous êtes secrétaire. Vous êtes plombier. C'est correct. La secrétaire doit travailler pour devenir une princesse. Le plombier doit devenir un prince. Hop! Du jour au lendemain, il décide, bon, tiens, moi, je lâche toute l'affaire au complet, là. Je suis un prince, ça ne fait pas de compris. Il va se ramasser très pauvre, très bas. Il y a une mécanique, un cheminement à suivre, une formation à recevoir. Cette formation, d'ici peu, je vais la rendre plus accessible que jamais, uniquement aux séminaristes et un peu à l'extérieur. Elle sera beaucoup plus accessible financièrement. Mais elle sera plus difficilement accessible énergétiquement. Autrement dit, c'est vrai que là, les petits mains ne pourront pas rester même si elles ont payé. L'objectif, c'est que l'intelligence, que votre intelligence, que votre esprit s'exprime libéralement et totalement par votre corps. J'ai des raisons pour que ça vous arrive. Et ces raisons-là, c'est les mêmes que les vôtres pour que ça vous arrive, sauf que la majorité, vous ne les connaissez pas vos raisons. Vous appelez cela de la manipulation. Je suis fait à l'os par l'intelligence. C'est correct. Fait que l'ego ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose. Et à un moment donné, on en reparlera de ces raisons. Mais pas toujours en conférence. S'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a des questions très ajustées et très puissantes pour que j'en parle, j'en parlerai. Toute la structure de conscientisation n'est pas là pour le fun. Alors, il faudrait cesser de viser les effets secondaires. C'est pas l'argent qu'il faut. Et sans l'argent, vous n'aurez pas le but. Mais visez pas l'argent. Quand vous plantez un piquet de clôture dans le sol avec votre masse, visez pas la surface du piquet, visez le sol à terre. Vous allez voir qu'il va rentrer le piquet. Mais c'est la même chose. Si on vise l'argent, on va avoir la moitié. Il faut viser au-delà et totalement au-delà. Et pour viser au-delà, il faut avoir une structure de conscience suffisamment solide. Il faut avoir un antihomme qui ne tire pas trop sur la souffleuse. Formez-vous. Dans l'Antiquité, on disait fermez-vous. Ça, c'est formez-vous. Comment? Moi, je sais comment. La majorité, vous savez comment. Certains disent toujours, oui, mais si la formation, c'est gratuite. Vous ne le méritez pas. Il y en a qui le méritent. Mais ils l'ont gratuitement. Parce que c'est pas gratuit. La journée où l'être humain est totalement dans la structure de cheminement, il le mérite, il est là, il bâtit la route. Il paye plus, on le paye. Je ne parle pas de moi, la vie. Son intelligence devient tellement solidement exprimable. Il exprime son intelligence quelque part, de temps en temps. Puis il reçoit un bon salaire. Le reste, c'est du temps. Et il sait quoi faire de son temps et de son argent. C'est évident que vous devez encore payer. Pourquoi? Parce que c'est encore vos égos qui travaillaient. C'est vos égos qui voulaient évoluer. C'est vos égos qui s'inscrivaient à des choses. Que ce soit au niveau des PMC, que ce soit au niveau de d'autres choses. La journée qu'on travaille tous ensemble dans le but d'aller chercher quelque chose, quand on fait des réunions comme aujourd'hui, il n'y a personne qui paye pour rentrer. C'est idiot! Travaillez ensemble! Présentement, je travaille pour vous, donc vous payez. On donne des cours de formation, les personnes travaillent pour vous, donc vous payez, c'est normal, naturel. Eux, le monnaie, déjà leur intelligence, et c'est vous qui allez acheter. Quand vous en avez suffisamment, quand vous décidez carrément d'embarquer dans un cheminement, pas dans une organisation, vous pouvez ne plus jamais revenir me revoir, puis avoir fait le même choix que moi. On va se revoir plus tard. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait dans l'actuel présent. C'est pas l'onde de forme. C'est-à-dire que ben, je reste avec Kem. Si je reste pas avec Kem, j'étais MTS. C'est pas ça partout. C'était plus parlable, oui, t'es MTS. C'est bien différent. Tu parles contre des gens, oui, t'es MTS. Tu parles contre ceux qui t'ont réveillé, qui t'ont fait ouvrir les yeux. Ceux qui t'ont réveillé, oui, t'es MTS. Au minimum, un statique avancé. La formation, elle est importante. Pourquoi? Parce que la formation permet à toutes les structures planétaires, et l'intelligence ne connaît pas la structure planétaire, c'est pourquoi elle passe à travers quelques individus, de façon à ce que les individus prédigèrent l'information pour engendrer des structures de formation qui sont digestibles par l'ego, par les corps vitaux, par le corps physique. Pourquoi vous commencez à parler des choses sérieuses? Quand un individu met plus d'argent dans ses cigarettes que dans sa formation, il ne prend pas ça au sérieux. Quand un individu va voir un cinéma, un film par semaine, et qu'il ne met pas la même quantité d'argent dans son évolution, il ne prend pas ça au sérieux. Ça n'empêche pas d'aller voir le cinéma. Je parle de faire les choses sérieusement. Mais les égos comprennent qu'il n'y a à peu près jamais rien. Il y a eu un temps au niveau des PMC, les plus vieux, ils s'en souviendront, où on leur avait dit que si finalement on avait suffisamment de personnes qui commençaient le PMC à la base, que les PMC supérieurs seraient gratuits. Parce que eux, ayant financé l'évolution des cours PMC, c'est grâce à eux et à leur argent qu'on a pu payer les loyers, payer des salaires, payer du matériel, avoir du temps, à ne pas travailler, avoir du temps pour faire ça. C'est grâce à eux que la structure évolue. Rendu à un certain niveau, ils ne payent plus. C'est les nouveaux qui vont payer pour eux en haut. C'est logique. C'est évident. Ah, mais c'est les nouveaux qui payent mes anciens. Oui. Ah, mais c'est pas juste. Allez, allez fouiller ailleurs. La structure, elle est logique. Mais les égos ne comprennent jamais rien. Plus ça a augmenté, plus ils sont syndicalisés. Alors, à un moment donné, ben, c'est ça. La majorité des individus, tant qu'ils n'étaient pas payés, ils allaient bien. La journée qu'on leur donne un salaire, ça n'ont plus du tout. Dans l'évolution, c'est la même chose. C'est pourquoi c'est long. Pourquoi je suis si prudent? Quand c'est gratuit, ça ne vaut rien pour l'ego. Ça ne vaut rien pour l'ego, ça ne vaut rien pour moi. Il y aura des choses qui vont être de plus en plus accessibles. Ce sera à vous d'en bénéficier ou d'en profiter. Je parle d'accessible, je parle de très accessible. Mais énergétiquement, il faudra que les individus qui vont se pointer là soient des individus qui veulent se former, qui veulent sérieusement faire les choses. Puis, vous savez une chose, c'est que toute la structure du programme être contrôleur, quel que soit le niveau où un être humain est rendu, n'importe quand qu'il veut lâcher, tout ce qu'il a appris lui sert quand même. Parce qu'on ne forme pas un individu pour devenir un grand prêtre. La journée qu'il lâche la religion, ben, tout ce qu'il a appris, ça ne fait rien. Même ses femmes qui la jettent, même ses cultures qui les jettent, ses livres, puis tout est... Non. Parce que l'avantage du programme être contrôleur, c'est que bifurquer tant que vous voudrez, ça ne change rien, vous n'aurez rien perdu. Ceux qui ont appris les anciennes techniques, ceux qui les pratiquent encore, en servent toujours. Celui qui ne les pratique pas, c'est évident. Vous apprenez la mécanique, quand vous êtes en panne, vous demandez quoi faire. J'ai hâte. C'est pas une hâte égoïque, c'est un bouillonnement énergétique. De me pointer à un moment donné devant des individus avec lesquels je pourrais parler de tellement de choses. Présentement, il y a un qu'avec moi, je peux en parler, puis comme j'y connais déjà. Pourquoi que la plupart des gens qui s'aperçoivent qu'ils ont une bilocation de conscience, c'est seulement qu'à l'état de fatigue avancée? Parce que quand ils sont extrêmement fatigués, le corps physique n'a plus assez d'énergie vitale pour que l'ego puisse s'en servir pour omnibuler. Puis le mental étant connecté au plan supramental, il amène déjà de l'énergie vitale. Alors il est capable de faire plus facilement passer les communications. Pourquoi bien souvent l'être humain est épuisé totalement à bout et celui qui, là, il va comprendre mieux, il va avoir meilleure perception, meilleure élocution, parce qu'il est claqué. C'est évident qu'il faut que tu sois suffisamment claqué pour ça. Quand l'ego ne peut plus jouer dans ton corps vital, parce qu'il n'y a plus assez d'énergie, bien, l'intelligence peut s'en servir. C'est une mécanique qui est correcte, qui est idiote. C'est-à-dire que l'humain oblige l'intelligence à faire ça. L'anti-homme oblige l'intelligence à faire ça. Hey, pourquoi vous ne prenez pas une demi-heure par semaine pour vous mettre en forme? Conditionnement physique. On n'a pas le temps. Ah! Eh, bordel. On n'a pas le temps. Quand je dis faire les choses sérieusement, à un moment donné, c'est vrai, c'est réellement sérieux. Puis, comment, à quelle vitesse ça va? Ben là, ça change l'humain. Il faut que ce soit fait sérieusement. Il y a plusieurs choses. La seule affaire que, à un moment donné, on avait le PMC, puis les gens nous disaient, oui, mais quand... Avant, on venait tous les semaines, c'était sécuritaire, on savait qu'on venait, etc. À un moment donné, vous nous dites, mais quand vous vous sentez prêt, inscrivez-vous à tel cours. Eh oui, si on vous dit, faites du conditionnement physique au moins une heure, deux heures par semaine. Ah, ça marche pas. Si on vous collecte 120$, on vous le fait faire, là, ça marche. Il faut que l'humain soit capable de se prendre un peu plus sérieusement en main. Beaucoup ont appris le langage de l'intelligence et ils ne le développent pas. Beaucoup d'individus sont au courant que si un jour ils veulent m'interviewer, donc à me le demander, à un moment donné, je vais leur dire oui. Ils auront la capacité de venir affronter beaucoup plus d'énergie et de venir instruire leur ego qui ne sont pas juste des trous de Dieu. Et encore là, je n'ai pas énormément de demandes. Si vous saviez la quantité de choses que vous savez, que vous n'avez qu'à appliquer, mais il faut pratiquer, il faut changer des choses. Vous êtes malade, vous êtes atrophié musculairement, ben, vous devez aller voir un physio, puis pendant 2, 3 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, faire des exercices idiots et plates répétitifs. C'est la solution. Il faut, un jour, qu'on en arrive à ne communiquer qu'oralement, que de mental à mental, que d'intelligence à intelligence. Pourquoi? Parce que tout le reste du point de vue biologique et vital, vous allez vous en occuper. La construction du moi réel ou l'homme réel, soit la perte du moi personnel, le corps émotionnel, pour permettre le contrôle du moi impersonnel, le supramental, y a-t-il donc en même temps que la mort du corps émotionnel, la mort aussi de l'intentionnalité émotive, la perte de l'illusion du libre arbitre, pour acquérir l'unisson avec ce qui est, soit l'écart supramental de la perception du réel? Veux-tu élaborer? Bon, la réponse, c'est oui. Dans la construction du moi réel, de l'homme réel, les termes, c'est correct. Quand on parle du moi réel, c'est un moi qui est impersonnalisé. Soit la perte du moi personnel, évidemment, c'est le phénomène de l'ego, l'anti-homme, etc. Donc, la négoïsation, le corps émotionnel, c'est la même chose, le corps astral. Pour permettre le contrôle du moi impersonnel, faire attention, ici, il y a une bifurcation, une erreur. La personne devrait lire, à plus fois qu'elle a écrit ses questions, les lire à haute voix. Le contrôle du moi impersonnel va se faire par qui, par quoi, si le moi personnel est disparu, il reste que le moi impersonnel. Alors, il n'y a pas question de contrôle du supramental, c'est nous le supramental, nous nous contrôlons nous-mêmes. Il y a donc en même temps que la mort du corps émotionnel, du corps astral, le corps émotionnel, c'est un terme rosicrucien, donc très bon, La mort aussi de l'intentionnalité émotive. C'est évident, perte de l'illusion du libre-arbitre. C'est évident, perte des désirs, perte des mémoires. C'est évident aussi. Par le canal ajusteur de pensée, vous allez vous brancher aux mémoires akashiques. Ce ne sont pas vos mémoires. Alors vous saurez ce qui s'est passé hier, sans avoir besoin de vous en rappeler. Pour acquérir l'unisson avec ce qui est, soit l'unisson est un terme qui peut être dangereux, l'unisson avec ce qui est, soit l'écran supramental ou la perception du réel. La perception du réel est la perception de tous les points de vue. Et l'inattachement à tout ce qui est perçu. Et ça vient. Pourquoi les choses semblent à un moment donné un peu complexes? C'est que l'humain paraît. Bien souvent, ceux qui évoluent le plus, c'est ceux qui ne savent pas qu'évoluent, qui continuent à faire ce que la vie leur demande. À un moment donné, celui qui évolue le moins, c'est celui qui décide subitement que le corps physique doit être mortifié, qu'on doit s'attacher à la chair pour purifier l'esprit. Que ce soit ceux qui se plantent des épines dans le corps, ceux qui se font crucifier, ceux qui se font flageller, ceux qui décident de maigrir, ceux qui décident de ne pas laver leur corps physique. Il y a beaucoup de personnes sur la planète Terre qui ont une évolution apparemment très spirituelle où on mortifie le corps physique. D'autres deviennent de l'immatérialisme, c'est-à-dire que la matière, yark, yark, yark, yark. Moins on en a, mieux c'est. Quand on en a plein, on s'attache. C'est comme décider d'éliminer la boisson de la surface de la planète Terre en prétextant qu'on élimine les alcooliques. Ils sont toujours alcooliques, ils ne peuvent plus boire. C'est pas d'évolution. C'est de l'autruche. Énormément de structures ésotériques évolutives ont considéré une seule voie, c'est-à-dire que quand une automobile roule, il y a quatre roues de plus à faire. Bien souvent, toutes les théologies, les structures initiatiques, ésotériques, etc., considèrent seulement une roue ou deux roues. Ils ne vont jamais loin. L'homme doit travailler sur tous ses plans. Et nécessairement, ça paraît comme plus complexe, plus compliqué, plus plat. On doit entretenir son corps physique, coup de plug. Même si c'est facile de rentrer dans telle organisation, eux autres, ils font juste méditer à des sujets. Tout. C'est pas compliqué. Manger bien, c'est pas compliqué. Se donner les vacances qu'on a besoin, le repos qu'on a besoin, c'est pas compliqué. La négociation nécessaire et les petites carottes de temps en temps, c'est pas compliqué. L'énergisation, pour arriver à l'énergification mentale, c'est pas compliqué. On n'a pas le temps. Mais on a 24 heures par jour. On fait une pause.